c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Difficile de parler du travail sans évoquer tous ses effets, ou plutôt tous ses méfaits. Difficile et même impossible pour le management, car celui-ci se définit peu pour lui-même, mais plus par ce qu'il provoque. Chacun d'entre nous a ainsi déjà rencontré, discuté ou vécu ces pathologies. Stress, isolement, perte de sens. Pourtant, et c'est tout le paradoxe, aucune de ces souffrances ne semble l'annuler, mais le renforcer. Et voici qu'à force de burn-out et de douleurs au bras, on en vient moins à vouloir s'en passer qu'à créer de nouvelles chartes et de nouveaux comités. Comment le management est-il donc devenu, pour chacun d'entre nous, le contraire de lui-même, ingérable ? Il bosse 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Bonjour Daniel Linard. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, sociologue du travail. On vous doit plusieurs ouvrages sur les pathologies liées au travail. J'en cite deux notamment, donc le dernier, L'insoutenable subordination des salariés aux éditions RS. Et puis en 2015, La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale aux éditions RS également. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec Henri Salvador pour dire que le travail, c'est la santé, mais que ne pas travailler, c'est la conserver, et que le management, c'est même pire que ça? C'est même pire que le travail. Ah oui, alors je ne suis pas d'accord parce que certes, le travail entraîne des désagréments et même parfois des altérations de la santé, mais ne pas travailler, c'est-à-dire être chômeur, être privé d'emploi, ça entraîne également des altérations de la santé. Il y a beaucoup de chômeurs qui tombent malades, il y en a qui se suicident au moment de leur licenciement ou de la fermeture de leur entreprise. Donc, on se rend compte à quel point le travail occupe une place importante dans notre société, dans la constitution de son identité, dans le fait de prendre pied dans la société de façon citoyenne et légitime. Donc c'est quelque chose de très important. Et il y a eu cette ambivalence fondamentale. Sinon, ce serait pas tellement difficile et douloureux. C'est que effectivement, travailler, ça expose à des dangers, à des souffrances, à de la subordination. Mais ne pas travailler, c'est aussi une manière de ne pas exister socialement. Donc dire que le travail est source de tous les maux actuels, c'est un cliché. Dire que le management est la source des maux que rencontre le travail, est-ce que ça, c'est un cliché? Écoutez, non, parce que une bonne partie du management est basée sur des stratégies visant essentiellement à asseoir l'emprise sur les salariés, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils travaillent selon les critères d'efficacité et rentabilité voulus par leur direction. Donc tout ce qui concerne cette ressource si particulière qu'est la ressource humaine, c'est à savoir, du point de vue du management, comment asseoir la domination de façon légitime sur le plan démocratique. C'est-à-dire pouvoir inscrire la domination, la contrainte et le contrôle dans l'organisation du travail et dans la mobilisation même des salariés. C'est quelque chose de très difficile, mais stratégiquement, ils le construisent d'une manière qui vise à ne pas tenir compte des aspirations les plus profondes des salariés, mais à la convergence de leurs pratiques de travail à ces salariés avec les buts voulus, enfin les résultats voulus par la direction. Être rentable, dégager le plus de profit, s'inscrire dans la rationalité économique ultralibérale. Voilà, donc à la base, cette équation-là, elle pose effectivement nombre de problèmes. Donc, ça n'est pas un cliché de dire que nombre de problèmes rencontrés par le travail, enfin surtout par les travailleurs, provient du management, mais on va déplier tous les paradoxes que soulève ce concept de management, notamment dans le fait qu'il suscite un certain nombre de souffrances pour les salariés, et on va soulever notamment ce paradoxe qui est que le management, et d'ailleurs c'est un des titres de vos ouvrages, mise notamment sur l'humanisation des méthodes de travail. Alors, comment on en est venu? Par quel paradoxe s'explique le fait que le management censé humaniser des conditions de travail qu'on trouvait trop difficiles, relevant de l'exploitation, en fait, en vient à déshumaniser les individus? Et ce sera ma deuxième question, comment ça se fait qu'en fait on ne puisse pas pour autant se passer du management si on y voit toute la source de nos maux? Alors en fait, le management s'est construit, le management moderne dans lequel nous baignons, s'est construit en réaction à mai 68 en fait. Mai 68 qui a représenté 3 semaines de grève générale avec occupation d'usine, a été un véritable traumatisme pour le patronat. Et donc, il a tenté d'ébaucher un nouveau modèle, prétendant rompre avec les logiques extérieures. Et donc, ce modèle, nécessairement, s'est appuyé sur un socle qui était « Nous avons compris vos aspirations légitimes, vous voulez vous réaliser, vous les salariés, dans le travail, être reconnus pour ce que vous faites. » Et donc, ça va passer par une logique d'individualisation systématique de l'organisation du travail des salariés et de leur gestion. Donc, cette individualisation, c'est effectivement, c'est la rhétorique managériale, disent les managers, ça va être de prendre en compte tous les aspects les plus profondément humains de cette ressource particulière que sont les salariés. Et donc, s'est mis en place un modèle qui a d'abord élaboré autour de l'individualisation, puis la personnalisation de la relation de chacun à son travail, puis la psychologisation. C'est-à-dire, on est allé chercher au plus profond de chacun ses ressorts les plus intimes, les plus émotionnels, les plus affectifs, en disant, voilà, engagez-vous profondément avec vos tripes, est-ce que vous êtes dans le travail, sortez de votre zone de confort, prenez des risques, aimez l'aventure, remettez-vous en question, essayez de vous dépasser, de vous surpasser, mettez-vous en concurrence avec les autres, avec vous-même, etc. Donc une sorte de psychologisation permanente, voire narcissisation. Montrez que vous êtes le plus fort, qu'on peut compter sur vous, qu'on a bien fait de miser sur vous, etc. Donc voilà, toute une surhumanisation pour dire on oublie tout ce qui s'est passé avant 68. On oublie l'ordre taylorien, on veut plus de tout ça, on veut la promotion de la personne, la promotion des aspects les plus profondément humains, au détriment du professionnel. C'est ça qui est très important, parce que vous parlez de déshumanisation, je préférerais parler de déprofessionnalisation. C'est-à-dire qu'on survalorise l'humain au détriment du professionnel, parce que l'humain ne peut pas chercher à s'imposer en tant que tel dans l'organisation du travail. Le professionnel, oui, il peut dire « j'ai les règles du métier, je connais mon boulot, j'ai mon expérience et je vous dis que mon travail, il doit se définir de telle et telle manière, selon tel critère et avec quels moyens ». Et c'est ce que précisément ne veulent pas les managers, ils ne veulent pas que les salariés puissent décider. Et est-ce que cette volonté du management et des managers, en fait, de déprofessionnaliser les salariés, est-ce que c'est une volonté, on va dire, une intention qui est consciente? Ou est-ce que c'est un petit peu un mouvement, en fait, qui s'est créé dans les années 68, à la fin des années 60, de manière un petit peu inconsciente? C'est-à-dire que tout le monde, en fait, il y a eu une sorte de convergence entre demande de liberté, individualisation des sociétés démocratiques, et puis changement des méthodes de travail. Comment, en fait, ça s'est produit? Est-ce que, en fait, vraiment, la question, c'est est-ce que les managers sont véritablement, en fait, des personnes mal intentionnées, ou est-ce qu'en fait, ils ont juste intériorisé un certain nombre de normes actuelles et contemporaines? Alors, je ne dirais pas du tout que les managers soient mal intentionnés. Nous n'avons pas des pervers narcissiques dans tous les... Un peu, mais pas tout le temps. Il peut y en avoir, comme dans toute partie de la société. Mais les managers, ils ont leur boulot à faire. Ils ont été formés pour ça. Et donc, leur boulot, c'est de pouvoir, une fois de plus, asseoir leur emprise et leur domination sur les salariés pour les conformer à ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que si un professionnel arrive et dit « laissez-moi faire, je m'occupe de mon boulot, je sais comment je dois m'y prendre », c'est complètement contraire à la philosophie managériale. La philosophie managériale, c'est faire en sorte que les salariés acceptent de travailler selon les méthodes qu'on veut les voir emprunter. Donc, tout l'effort, il est là-dessus. Et je dirais que ça n'est pas une invention, cette déprofessionnalisation n'est pas une invention récente. Taylor, c'est exactement ce qu'il a entrepris quand il a inventé son nouveau modèle. Taylor était un consultant à l'époque et donc il a mis sur pied son modèle et dont il a fait la promotion et donc il a beaucoup écrit. On comprend bien quelles sont sa philosophie et ses intentions. Et il explique, Taylor, que le savoir, c'est du pouvoir. Donc si on laisse le savoir aux ouvriers à l'époque dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et donc ça n'est pas le patron qui peut définir le niveau de productivité et de rentabilité puisque les ouvriers de métier décident de l'organisation de leur travail entre eux. Et Taylor dit c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, on ne peut pas continuer comme ça. Et il prétend que c'est au nom du bien commun, des intérêts et du bonheur des citoyens américains qu'il faut déposséder les ouvriers de leur professionnalité, de leur savoir, le transférer au patron qui va recourir à des ingénieurs pour définir la one best way, la manière de l'organisation scientifique du travail. Et il dit bien, la productivité est nécessaire pour le pays, mais on ne peut pas laisser la productivité dépendre du bon vouloir des ouvriers. Donc, il a attaqué toute sa philosophie et toute sa technique d'organisation. C'est une attaque en règle contre la professionnalité, puisqu'il a fait en sorte que les ingénieurs aillent observer dans les ateliers comment s'y prenaient les ouvriers. Et autour de ce corpus de connaissances et de savoirs, définissent les manières de travailler et les ouvriers seront les exécutants de l'organisation du travail et non pas ceux qui décident l'organisation du travail. À l'heure actuelle, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va solliciter les aspects, les ressorts les plus intimes, les plus personnels des salariés pour les faire consentir en jouant sur leur narcissisme. Mais d'un autre côté, on continue avec l'organisation taylorienne. Ah, je crois que c'est votre téléphone. Pourtant, je l'avais mis en avion. C'est pas grave, je vous en prie. Ce qu'on va faire en attendant que vous éteigniez votre téléphone, c'est qu'on va écouter un texte de Gogol qui raconte la vie dans un bureau. Personne ne se rappelait à quelle époque Akaki Akakievitch était entré au ministère et qui l'y avait recommandé. Les directeurs, les chefs de division, les chefs de service et autres avaient beau changer, on le voyait toujours à la même place, dans la même attitude, occupé à la même besogne d'expéditionnaire, si bien que par la suite, on prétendit qu'il était venu au monde en uniforme et le crâne dénudé. On ne lui témoignait aucune considération. Loin de se lever sur son passage, les huissiers ne prêtaient pas plus d'attention à son approche qu'au vol d'une mouche. Ses supérieurs le traitaient avec une froideur despotique. Le premier sous-chef venu lui jetait des paperasses sous le nez, sans même prendre la peine de dire « Ayez l'obligeance de copier ça » ou « Voilà un petit dossier fameux », ainsi qu'il se pratique entre bureaucrates bien élevés. Sans un regard pour la personne qui lui imposait cette tâche, sans se préoccuper si elle avait le droit de le faire, Akaki Akakievitch considérait un instant le document, puis se mettait en devoir de le copier. Ses jeunes collègues épuisaient sur lui l'arsenal des plaisanteries en cours dans les bureaux. Mais Akaki Akakievitch demeurait impassible. On aurait dit que personne ne se trouvait devant lui. Il ne se laissait pas distraire de sa besogne et toutes ses importunités ne lui faisaient pas commettre une seule bévue. Si la taquinerie dépassait les bornes, si quelqu'un poussait le coude et l'arrachait à sa tâche, il se contentait de dire « Laissez-moi, que vous ai-je fait ?» Il y avait quelque chose d'étrange dans ces paroles. Il les prononçait d'un ton si pitoyable qu'un jeune homme, récemment entré au ministère et qui avait cru bon d'imiter ses collègues en persiflant le bonhomme, s'arrêta soudain, comme frappé au cœur. France Culture. Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre, interprété par Bernard Gabé, un extrait du manteau de Nicolas Gogol. On entend donc cet employé Akaki Akakievitch qui effectivement est martyrisé, harcelé. On parlerait de harcèlement aujourd'hui au travail. On voit bien que c'est un travail de bureau. Il est copiste, qu'on lui balance des petits dossiers sur son bureau. Et c'est le moment de vous poser cette question, Daniel Liénard, de distinguer en fait le type de souffrance qui se joue qui se joue au travail et qui se joue notamment en fait avec ces méthodes managériales. En fait, est-ce que le travail, les méthodes managériales créent des formes de souffrance en fait qui sont nouvelles, différentes de celles qu'on a pu connaître avant dans les usines où on avait des douleurs, des souffrances, on pourrait dire d'abord physiques, et de cette vie de bureau de Akaki Akakievitch où là on peut dire qu'il y a une sorte de maltraitance et donc plutôt une souffrance psychologique. Est-ce que les souffrances du management sont nouvelles, diffèrent de ces deux types de souffrances? Je ne dirais pas que ça diffère totalement, parce que si on reprend les textes et les écrits des Trente Glorieuses, les témoignages sont vraiment révélateurs de harcèlement aussi sur les chaînes de montage, parce que par exemple chez Renault, on sait qu'ils allaient recruter leur hiérarchie, leur maîtrise auprès des anciens commandants de l'armée en Indochine. Donc c'était pour faire ce comme ils disaient. Disait à l'époque, suer le burnou. Il y avait du harcèlement. Le film Élise ou La vraie vie montre aussi ce harcèlement et puis un univers répétitif et douloureux, donc pas simplement physiquement, mais aussi moralement, difficile. Alors, je dirais que la souffrance, elle était vraiment là auparavant, autant que maintenant. Mais ce qui la distingue de celle qui prévaut à l'heure actuelle, je dirais, c'est qu'elle était partagée au sein de collectifs informels de travailleurs qui, de ce fait, on pourrait dire presque la régulait, la maintenait à distance en la partageant et en l'expliquant, en la décryptant. Par exemple, c'est « Ah oui, on en bave, mais c'est parce que le patron, il veut s'en mettre plein les poches, il a augmenté les cadences, bon, on va pas se laisser faire, et on va mettre un peu la pression sur l'agent de maîtrise. » Il y avait des stratégies collectives de défense, déjà, mais aussi de partage de vécu, partage de ressenti. Vous savez, quand, par exemple, maintenant, moi, je fais des enquêtes dans les entreprises et que j'entends les salariés parler de leurs souffrances, ils disent souvent « Ah, mais vous savez, je crois que je suis le seul ici à être dans cet état, je crois que les autres s'en sortent très bien », alors que c'est pas le cas, puisqu'on entend la même chose chez les autres. Et puis après, ils disent « Mais ça vient de moi, je crois, je suis pas à la hauteur, je suis pas à ma place, je comprends pas bien ». Donc, il y a une intériorisation d'une défaillance qui justifierait la souffrance. Alors qu'auparavant, c'était partagé, c'était la preuve dans le cadre d'un rapport de force, d'une offensive patronale, il fallait réagir et on reconquérait de la dignité en disant on va pas se laisser faire. Du coup, la souffrance, elle était bien là, mais elle était vécue un peu différemment. Maintenant, elle est vécue de façon personnalisée parce qu'on est dans ce monde du travail personnalisé. Chacun pense que il arrive pas à s'en sortir et ne cherche pas à partager. Donc il y a une sorte de presque de honte à souffrir et d'incapacité à la partager pour en faire un phénomène, je dirais, non pas de société, mais presque, mais en tout cas en liaison avec l'organisation du travail, en liaison avec le management. Ce que le management a donc changé en termes de souffrance au travail, c'est véritablement donc d'individualiser la souffrance. C'est-à-dire qu'on n'a plus une souffrance sociale, collective, politique, mais une souffrance individuelle. Voilà. On a une souffrance personnalisée dont on ne comprend pas l'origine, parce que quand on la ressent collectivement, on la décrypte collectivement, et puis il y a même les organisations syndicales derrière qui proposent des explications économiques, politiques. Pendant les Trente Glorieuses, le Parti communiste allait jusqu'à 26% de vote dans les élections. Donc c'était un cadre de lutte des classes, de rapport de force, et la souffrance en faisait partie et était en quelque sorte le témoignage ou le symbole de cette dureté de conditions ouvrières qui faisait partie d'un destin commun que tout le monde partageait. Maintenant, chacun est de façon solitaire face à une épreuve personnalisée. Vous me mettez justement, mes deux agences sont classées 4e de la région parisienne, et alors après vous me mettez, ceci ne s'obtient pas sans subir une pression psychologique importante. Voilà. Alors racontez-nous. Alors moi dans l'entreprise, ils ont mis en place il y a quelques années un système que je trouve super génial, mais démoniaque. Ils ont taylorisé, je ne sais pas si c'est bien français, celui-là. Oui, ça, ça va, oui. Bon, ben, ça va. Ils ont donc décomposé toute action commerciale par un standard. D'accord. Donc, exemple, recevoir un client, ça prend 3 minutes pour lui dire bonjour. Et peu à peu, avec le temps, les standards se sont diminués. Donc, les chiffres augmentent en termes de demande de résultats. Au lieu de faire 5 contrats au moment de 6, au moment de 7, au moment de 8, enfin au moment de mais ça, ça a progressé petit à petit. Insidieusement tous les ans. On vous faisait des réunions pour vous dire, bon, maintenant, vous deviez recevoir tant de clients non, par c'est, mois. C'est beaucoup plus subtil. On me demande de proposer mes objectifs. Avec un tableau de bord, attention, l'objectif n'est pas atteint. Oh, c'était pas dit comme ça. C'était marqué moins tant ou plus tant. Ah, d'accord. Mm-hmm. Généralement, j'étais en plus. J'aime pas être en moins. Et donc, vous avez craqué ? Ah ben, j'ai craqué, j'ai pété les plombs. Alors, quels ont été les premiers signes cliniques que vous avez... Comment est-ce que vous avez... Ah ben, j'ai craqué. Alors, dites-moi. J'ai chialé, j'ai évité... Au boulot ou à la maison ? Au boulot. Et là, vous avez été arrêté, apparemment. Alors, j'ai été arrêté un paquet de temps, en décembre, en janvier, et puis je suis toujours en arrêt de travail. Ah, d'accord. Toujours en arrêt. C'est un extrait du film documentaire de Marc-Antoine Roudil et de Sophie Bruno qui date de 2006. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On entend clairement dans cet extrait Daniel Linard, un extrait en fait de burn-out, hein, on peut le dire. Cette personne le dit très clairement, j'ai craqué, j'ai pété les plombs. Et il décrit extrêmement bien les mécanismes à l'œuvre, c'est-à-dire que on lui a demandé à lui-même, on retrouve cette dimension d'individualisation dont vous parliez, on lui a demandé de se fixer à lui-même ses propres objectifs, ce qui veut dire que ce n'était pas l'entreprise qui était fautive, mais lui qui devenait l'auteur de cette faute. Oui, oui. Alors là, il décrit l'extrait décrit très très bien deux aspects de la modernisation. Le premier, c'est l'organisation du travail qui, parallèlement à cette sollicitation de l'humain, montrer qui vous êtes, impose de faire cette démonstration dans le cadre d'un travail qui est très prescrit. C'est ce que démontre très bien le monsieur. Il explique qu'il y a une standardisation qui découpe en petites activités, morceaux d'activités, sa mission et qui se raccourcit. Et après, le cadre de ce travail très taylorien, qui reste très taylorien, on doit se responsabiliser. C'est soi-même qui coproduit en quelque sorte la pression sur le travailleur que l'on est pour obtenir la rentabilité, la profitabilité la plus forte. Donc on voit, et c'est ça qui est le plus dur à vivre, l'extrême tension dans laquelle se trouvent les gens, c'est-à-dire qui coparticipent d'un système qui les oppresse, voilà, qui les oppresse, qui les aliène tout à fait, ils le nourrissent. Et donc effectivement, il y a un moment où ça éclate, comme il dit, ça pète, et d'autant plus que pour attaquer la professionnalité de la manière que j'avais évoquée tout à l'heure, pour Taylor, elle se produit différemment à l'heure actuelle, mais à travers une autre forme d'attaque qui est le changement perpétuel, qui met en obsolescence toutes les compétences, le savoir, l'expérience que les salariés peuvent acquérir. Alors là, il n'en parle pas de façon très claire, mais il dit c'est de plus en plus petit, c'est de plus en plus... Les temps sont de plus en plus courts et les objectifs de plus en plus hauts. Voilà, mais en plus dans un cadre où on change tout le temps pour justement attaquer la professionnalité des salariés et qu'ils rendent les armes en quelque sorte et qu'ils acceptent de s'en remettre à la logique taylorienne. Alors on restructure les départements, on recompose les métiers, on change les logiciels, on crée de la mobilité imposée, on crée des déménagements géographiques et les gens sont embrouillés, perdus et c'est ça qui, à mon avis, explique aussi le burn-out. Parce qu'il y a deux éléments qui explique le burn-out. Le premier, c'est un épuisement d'ordre cognitif. C'est-à-dire que dans un monde qui change tout le temps, dans un monde où on vous oblige à vous-même vous fixer des objectifs de plus en plus exigeants, et avec une impuissance liée au fait qu'on est face à des prescriptions, à des procédures, des protocoles, des méthodologies, des reportings incessants, eh bien, on est totalement perdu et on doit faire en permanence des efforts énormes pour atteindre les objectifs, pour avoir une maîtrise intellectuelle de son contenu du travail et de son environnement. Donc on déploie des efforts énormes qui créent un épuisement, mais aussi il y a un effondrement de l'image de soi, parce qu'on n'est plus le professionnel auquel on peut se faire soi-même confiance. Mais d'ailleurs, il le dit très bien, on entend très bien dans ce témoignage de cette personne, on entend très bien le fait qu'il dit « je n'aime pas être dans le moins, je préfère être dans le plus ». Voilà, c'est quelqu'un qui a des exigences professionnelles, qui voudrait être un bon professionnel, qui a une conscience professionnelle et qui ne peut plus l'être parce qu'il s'impose à lui-même, mais il est imposé, il est obligé de s'imposer à lui-même des objectifs très élevés et dans un environnement où il perd ses repères. Donc il y a l'image de lui-même qui s'effondre aussi, et le burn-out, c'est deux aspects. C'est l'épuisement physique, mais c'est aussi l'effondrement psychique, la dépression. Et c'est pour ça que ça dure si longtemps. Ils disent, je suis arrêté depuis décembre, janvier, encore maintenant. Et vous avez cité le film, c'est il n'était pas... Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. D'après le livre de Marie Peset, justement, qui explique par ailleurs, parce que je fais partie d'un groupe de travail qu'elle a monté, qui explique par ailleurs que il y a des séquelles parfois irréversibles en raison de cet épuisement qui se fait à travers une dévalorisation de soi, et donc les gens ne peuvent plus retourner au boulot pendant très longtemps. Et d'ailleurs, elle dit, le mieux c'est de sauver sa peau et de partir en courant. C'est pour ça aussi que le burn-out, en fait, quand on parle maintenant des pathologies, des souffrances en fait dues au management, ce qu'on regroupe en fait sous le terme de risques psychosociaux au travail, hein, où on a donc du stress, des addictions, du harcèlement, on a plutôt tendance en fait dans le langage courant non pas à parler de ces risques psychosociaux au travail, mais de burn-out. C'est pour ça que le burn-out est autant représentatif de ces pathologies-là. Mais si vous voulez, le burn-out, il dit tout, il dit la consommation de l'intérieur. La consommation de l'intérieur, pardon. La consommation, oui, mais c'est la consommation de soi, on peut dire aussi, mais oui. La consommation de l'intérieur. Et effectivement, ça indique à la fois la dimension dépressive, l'atteinte à l'intégrité mentale, et en même temps un épuisement physique, cognitif, parce que il faut sans cesse essayer d'atteindre des objectifs de plus en plus hauts. Et puis on le fait tout seul, on est dans une épreuve solitaire. On ne peut pas compter sur les autres, parce que d'abord eux-mêmes ils sont pris dans leur propre épreuve, mais les salariés sont mis en concurrence les uns avec les autres systématiquement. Dans une entreprise, Daniel Linard n'a pas complètement disparu cette dimension de discussion. Par exemple, quand on est dans une équipe, on discute avec son équipe. Il y a aussi évidemment la cantine, il y a aussi les discussions autour de la machine à café. Alors évidemment, pendant la pandémie, ces dimensions-là collectives ont été complètement effacées, abolies, et là elles sont en train de reprendre de nouveau. Mais est-ce que c'est pas aussi ça, ces formations un petit peu informelles de discussion collective où on peut effectivement faire face? Pourquoi ces formes-là ne permettent pas malgré tout d'éradiquer ce sentiment d'être seul? Oui, mais il faut bien voir que, par exemple, nous savons que depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de cadres et d'ingénieurs dans les entreprises, et que le nombre des opérateurs diminue. Eh bien, si vous faites des enquêtes dans ces entreprises, quand vous voulez observer le travail des cadres ou des ingénieurs, vous entrez dans des open space maintenant, où vous voyez chaque salarié derrière son écran, en ligne. Tout le monde est vraiment aligné comme dans un atelier ou comme sur une chaîne de montage. Et d'ailleurs, souvent, ils disent « nous sommes les OS du tertiaire ». Et il y a eu, si vous voulez, une espèce de disciplinarisation des esprits de ces cadres et de ces ingénieurs pour leur faire comprendre qu'ils sont des exécutants comme les autres, et donc on a discipliné les corps. Et donc ces open space ne sont pas des lieux agréables. C'est-à-dire que les relations de travail, les relations sociales se sont largement détériorées parce que ils se gênent les uns les autres, ils ont à faire un travail qui demande de la concentration intellectuelle, et ils se dérangent, il y a des coups de fil, il y a du passage, parfois ils disent même, il y a des odeurs qui sont insupportables. Donc, et puis il y a cette mise en concurrence, donc il y a des regards qui surveillent, qui regardent la progression du travail des uns et des autres. Donc l'atmosphère, elle n'est pas si bonne que ça. Et quand on se retrouve à la tasse, autour d'une tasse de café, on parle pas nécessairement du travail, on parle pas de ce qu'on a en commun dans le boulot. On parle souvent, c'est ce qu'il m'explique dans les interviews, du match de foot ou de la dernière émission à la télé. Mais voilà, il y a une espèce de périmètre qui s'est de rétrécissement du périmètre dans lequel est chacun, qui est vraiment extrêmement important et dommageable, parce que les autres ne sont plus considérés comme les membres d'un collectif avec qui on partage des valeurs, une certaine communauté de difficultés. Non, c'est pas souvent le cas. Et c'est d'ailleurs ça qui explique pourquoi nombre de salariés ont été assez contents de se retrouver en télétravail, hein, quand ils l'ont été pendant la pandémie. Ils ont pu enfin être sur leur ordinateur tranquille. Oui, oui, alors ils ont dit au début, bah, on est loin de tout ça, on est loin de la pression, des regards malveillants, des moqueries, un peu comme le pauvre Je vais vous le dire, Akakievitch. Voilà, Akakievitch. Voilà, donc c'est ça la vie à l'heure actuelle. Donc les collectifs, évidemment, ont été vidés de leur substance. Vous savez, quand s'est mis en place le nouveau modèle avec cette idée d'individualisation, il y a eu par exemple des horaires variables, ce qui fait que les gens n'embauchent pas au même moment, ne déjeunent plus au même moment dans le même service, ne sortent pas ensemble. Bon, après la rotation des tâches, on n'est pas ensemble dans la durée côte à côte. Donc tout a été conçu effectivement pour effilocher les collectifs ou prospérer les valeurs contestatrices, le sentiment d'entraide, de partage de valeurs, l'entraide, la sociabilité. Et donc maintenant, nous sommes réellement dans un monde atomisé, individualisé, où les gens sont en concurrence les uns avec les autres et puis n'ont pas vraiment l'impression de partager quoi que ce soit avec les autres. Alors, il y a une forme de sociabilité quand même, mais qui n'a rien à voir avec le travail. On parle d'autre chose, alors on rigole, effectivement, il peut y avoir des amitiés, mais ça n'est pas lié au travail comme auparavant. Incessant cauchemar martelé, répétitif, quotidien. Pas une sieste, pas une nuit, sans ce mauvais rêve de carcasse, de bête morte, qui me tombe sur la gueule, qui m'agresse atrocement. Qui prennent le visage de mes proches ou de mes peurs les plus profondes. Cauchemars sans fin, sans vie, sans nuit. Des réveils en sursaut, draps inondés de sueur, presque toutes les nuits. Parfois je hurle. Toutes les nuits je sais que je vais emporter l'abattoir dans mes mauvais rêves. Et pourtant, à pousser mes quartiers de viande de 100 kilos, chacun, je ne pense pas être le plus à plaindre. De quoi rêvent-ils ? Toutes les siestes, toutes les nuits. Ceux qui sont aux abats et qui, tous les jours que l'abattoir fait, voient tomber des têtes de vaches de l'étage supérieur, prennent une tête par une, la calent entre des crocs d'acier sur une machine idoine, découpent les joues, les babines, puis jettent les mâchoires et le reste du crâne 8 heures par jour en tête à tête. De quoi rêvent-ils ? Ceux qui sont au cuir, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui arrachent les peaux des bêtes juste après qu'elles ont été tuées. Les peaux seront ensuite vendues à des tanneurs ou je ne sais qui. Il paraît que ce poste est éreintant, que les intérimaires tournent comme ailes de moulin jour de tempête, tellement c'est dur, physiquement, moralement, arracher des peaux de vache toute la journée. La semaine prochaine, j'ai rencard chez le kiné. Mon corps commence doucement à être ravagé par ce bon mois de carcasse. Tout mon corps, mes muscles, mes articulations, mes lombaires, mes cervicales, le reste de mon corps dont je ne sais pas le nom. Le corps est un tombeau pour l'âme, dit la vieille maxime grecque classique. Et je réalise que l'âme est aussi un tombeau pour les corps. Mes cauchemars sont juste à la hauteur de ce que mon corps endure. C'est vraiment un très beau texte qu'on vient d'entendre, Daniel Linard. C'est un texte de Joseph Pontus à la ligne, qui date de 2019. Donc c'est un texte sans ponctuation, qui se lit comme un grand poème. Puis on vient d'entendre, à la fin de cet extrait interprété par Bernard Gabay, cette phrase « Le corps est un tombeau pour l'âme », dit la vieille maxime grecque classique. Et je réalise que l'âme est aussi un tombeau pour les corps. Et c'est exactement ce qu'on peut dire du management aujourd'hui, Daniel Linard, à savoir qu'il mobilise les corps, mais il mobilise aussi les esprits. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ça se passe dans une usine bretonne. Donc on pourrait croire, parce qu'on a tendance à parler de management uniquement dans des bureaux, dans des open space... avec des réunions, avec un manager qui nous donne des chefs. Mais effectivement, l'usine n'est pas du tout hermétique aux nouvelles méthodes managériales. Et on le voit bien de quelle manière ça se produit dans ce texte, à savoir pénétration du corps et de l'esprit. Oui, oui. Et on sent bien sa solitude. Alors, ce texte est passionnant. Je le trouve passionnant, merveilleusement bien écrit, mais il me renvoie aussi personnellement à une enquête que j'avais commencée dans des abattoirs que j'ai pas pu terminer parce que j'étais tellement bouleversée par les conditions de travail. Mais cette enquête, elle date d'une vingtaine d'années. Elle montrer à quel point, lorsqu'il existe des collectifs, on peut tout supporter. Je vous donnerai l'exemple de femmes qui étaient aux abats, que Joseph Pontus évoque. Il évoque les abats en disant c'est encore pire. Et moi, j'avais été alertée par un contremaître qui me disait, expliquez-moi, vous la sociologue, qu'est-ce qui se passe aux abats, là, il y a parce que les femmes aux abats sont OS, alors que les hommes qui tuent, comme ils disent, et qui découpent, ils sont des ouvriers très professionnels. Alors, il disait, je comprends pas, les femmes, quand elles arrivent le matin, après le travail de nuit des hommes qui sont venus pour les aider, parce qu'il y avait eu beaucoup d'abattage et elles n'arrivaient pas à suivre aux abats, elles mettent à la poubelle tout ce qu'ont entamé ces messieurs pendant la nuit. Et alors, j'ai fait des interviews auprès des femmes pour comprendre pourquoi, et elles m'expliquaient. Alors, elles travaillaient aux abats, c'est-à-dire qu'elles sortaient les cervelles, les foies, les cœurs, etc. Elles disaient, est-ce que vous croyez que ces messieurs, sous prétexte qu'ils sont des ouvriers professionnels, ils savent faire aussi bien du beau boulot comme celui qu'on fait, aussi bien aussi bien fin, aussi bien travaillé que ce qu'on fait. Et nous, on est fiers de ce qu'on fait. Regardez, ben nous, on mettra toujours à la poubelle ceux qui feront parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le savoir. Donc, elles avaient réussi collectivement à inventer, pour reprendre l'expression de Christophe Dejour, un psychanalyste du travail, de la beauté au travail, à un travail qui était mais vraiment abject, parce qu'elles avaient tout le temps les mains plongées dans le sang, dans la cervelle, dans le cœur. C'était horrible. Eh bien, elles parlaient en termes de beauté. Et ça, c'était rendu possible parce que elles étaient entre elles, elles se soutenaient. Maintenant, quand on entend Joseph Pontus, on sent une personne seule au monde, face à un désastre personnel, un cauchemar, comme il dit. Et on voit à quel point les choses ont changé. Et c'est parce que, effectivement, la logique managériale s'est déployée largement. Vous savez, moi, il m'est arrivé de faire des enquêtes dans des entreprises, des usines, où les ouvriers, les opérateurs, comme on dit maintenant, sur chaîne, avaient des objectifs personnalisés et des évaluations personnalisées. Il faut le faire. Ils sont contraints par une tâche extrêmement prédécoupée, contraints par un rythme qui est imposé par la chaîne, et on leur donne des objectifs personnalisés, et on leur fait des évaluations personnelles pour les responsabiliser, pour les impliquer, et comme si le travail qu'ils réalisent dépend d'eux, alors que tout est prédéfini, prémâché. Alors, ce qui est paradoxal dans ce que vous dites, Daniel Niard, c'est que d'un côté, on responsabilise l'individu, mais en fait, le lien de subordination continue à exister. Et puis, plus on le responsabilise, plus on lui met une forme de pression, ce qui fait qu'il craque. Mais ça n'est pas que la fatigue, on l'a vu avec le burn-out, c'est aussi un sentiment d'impuissance. Et le troisième paradoxe, il me semble, qui est plus politique, c'est que quand on donne les moyens à un individu de se responsabiliser, il pourrait très bien envisager de le faire collectivement. Comment ça se fait en fait que cette responsabilisation des moyens pour atteindre des objectifs ne conduise pas à une forme de libération de ces moyens? Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure en fait le management a ceci de particulier que il nous fait nourrir la bête qui nous aliène. Oui. Mais finalement en nourrissant cette bête, on pourrait très bien décider de la nourrir autrement ou de ne plus la nourrir. Pourquoi en fait quand on dit à un individu à un salarié dans une entreprise tu as tel objectif à atteindre, en fait, celui-là n'arrive pas à se regrouper avec ses collègues ou à dire lui-même non, puisque je suis responsable, je te dis que ça n'est pas possible. Comment cette responsabilité-là n'engage pas une responsabilité? Oui, oui. Alors, c'est par exemple Alain Supiot, qui est un excellent juriste, il dit comment peut-on mettre ensemble la responsabilité par rapport aux résultats qu'il faut atteindre, comment peut-on la rendre compatible avec le lien de subordination? Si on est subordonné, on peut pas être responsable des résultats. Mais c'est la dure réalité que vivent les salariés. Alors, encore, auparavant, cette subordination, elle était vécue collectivement aussi. Voilà, on est tous subordonnés, on le sait, on partage ça, donc on fait des coups en douce, bon, on s'entraide, on transgresse, on a nos propres règles, etc. Mais quand vous êtes tout seul, c'est beaucoup plus difficile parce que vous êtes déjà complètement avalé par toutes les difficultés pour atteindre les résultats, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut reconquérir la maîtrise intellectuelle et cognitive de ce qu'on fait, il faut parvenir à atteindre des objectifs qu'on vous a obligés à définir très élevé, et donc les gens sont complètement isolés, tout seuls, face à une épreuve qui les dépasse. Ils ne peuvent pas s'opposer, on peut pas s'opposer. C'est ça la qualité, la vertu du point de vue du management du lien de subordination, c'est qu'un salarié ne peut pas dire non. Le lien de subordination considère que un salarié doit obéir à ce que lui demande la hiérarchie. Si la hiérarchie lui dit fixe tes objectifs et qu'il sent qu'on attend de lui qu'il faut les fixer d'une manière très exigeante, il va les fixer d'une manière très exigeante. Parce que sinon, il peut être même taxé de faute professionnelle et être licencié. Donc, maintenant, la subordination, elle est vécue de façon totalement personnelle et individuelle. Donc, on ne peut pas, quand on est tout seul, se révolter sans risquer d'être mis dehors. C'est le 24e suicide d'un salarié de France Télécom depuis février 2008, moins de 20 mois. Un homme de 51 ans, employé d'une centrale d'appel d'Annecy, s'est jeté d'un pont sur l'autoroute A41 près d'Alby-sur-Chéran, en Haute-Savoie. Il était marié et père de deux enfants. Avant de se donner la mort, il a rédigé une lettre à l'attention de son épouse, lettre dans laquelle il a expliqué que le climat au sein de son entreprise avait rendu propice le passage à l'acte. J'ai été très fier de travailler pour France Télécom dès le début, en 84, parce qu'en fait, je me disais, c'est un service qui était porteur d'une marque, et je me suis dit, France Télécom, c'est quand même une belle entreprise. Et j'ai même fait de l'identification à la marque. J'ai culpabilisé sur les enjeux, en fait, de réussite ou d'échec. Donc j'étais en arrêt de travail à partir de la fin septembre, parce que je me suis rendu compte que j'étais plus en capacité de travailler. Donc jusqu'au 13 octobre, j'ai fait une tentative de suicide, parce que j'en pouvais plus, parce que c'était insupportable. J'étais parti dans une phase de culpabilisation, de plus être à la hauteur, de plus être compétent, de plus assumer toutes ces pressions multiples. Et puis, bon, voilà, ça explique mon acte et mon retranchement complet sur une voie d'en finir, de souffrir. Les gens, pour supporter la pression, utilisent des moyens comme la drogue, l'alcool. À la pause, c'est pas de la cigarette, c'est de la drogue, hein, mais voilà, c'est tout, pour être bien, pour passer au-delà. Moi, j'ai pas utilisé ces deux stratagèmes, donc en fait, j'ai peut-être pas évacué, j'aurais peut-être dû fumer, j'aurais peut-être dû boire. Ben non, c'était pas mon choix, là. Difficile d'évoquer les souffrances du management sans évoquer quand même l'affaire France Télécom, hein, qui a quand même connu une vague de suicides. Il y a eu un procès en 2019 qui a condamné la direction de France Télécom. Et on a entendu ce témoignage de Jacques Bigret sur France Télécom. C'est dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Celle-ci date du 30 mars 2010. Et on entend très bien ce que vous avez décrit durant cette émission, Daniel Linard, à savoir cette idée de culpabilisation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas seulement l'idée d'une individualisation, d'un burn-out, mais aussi d'une forme de culpabilisation qui nous renvoie au fait que le problème dans le travail maintenant, ce n'est plus forcément d'être reconnu par ses pairs, reconnu par ses collègues, mais c'est un problème de reconnaissance avec soi-même. Maintenant, on est dans une sorte de rapport, on va dire monologique, je ne sais pas si c'est vraiment français de le dire comme ça, mais vraiment en fait individualisé. Oui, c'est ça. La souffrance, elle est insupportable, elle devient insupportable lorsqu'on est tout seul et qu'on pense qu'on est l'origine des... Qu'on est tout seul mais qu'on se juge soi-même, parce que c'est comme si on était dédoublé. Oui, c'est ça. Et on pense qu'on est l'origine des difficultés qu'on traverse, qu'on n'est pas, bon, on n'est pas au niveau, on n'a pas de valeur, on se dévalorise à ses propres yeux et puis on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à rien, on a un sentiment d'impuissance, d'illégitimité puisque on n'arrive pas à tenir les objectifs qu'on vous fixe et la place qu'on vous fixe, qu'on vous attribue en réalité. Donc il y a un sentiment d'illégitimité qui est extrêmement difficile à vivre. Donc vous avez dit, Daniel Linard, par exemple, que ce qui s'était passé avec la pandémie et l'obligation de télétravailler, c'était bien parce que ça nous soulageait dans un premier temps du regard des autres. Oui. On peut rajouter les trajets aussi, le fait de se regarder, le fait de travailler tous ensemble dans le bruit, dans les odeurs. Et en même temps, être chez soi, c'est rajouter de la solitude à la solitude. Alors comment réintégrer maintenant cette notion de collectif ? Mais justement, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que nombre de télétravailleurs étaient absolument ravis de se retrouver tout seuls un moment, parce qu'ils mettaient à distance tous leurs problèmes en quelque sorte, enfin toute l'origine de leurs problèmes. Et puis progressivement, face à leur ordinateur, dans un isolement total, ils ont ressenti une sorte d'exacerbation de toute les causes de souffrance qu'ils ressentaient sur le lieu de travail. C'est-à-dire que les relations sociales étaient difficiles, d'accord, mais là, ils n'en avaient plus du tout. Et on sait que le travail, c'est sortir de chez soi, sortir de sa tête, être confronté à d'autres problèmes, d'autres personnes, d'autres horizons. C'est beaucoup de femmes expliquent qu'elles ne peuvent pas rester à la maison avec les enfants parce qu'elles ont besoin d'être dans la vraie vie, dans le vrai monde, dans la vraie société, et qu'il leur faut partager avec les autres. Voilà. Donc même si les autres ne sont pas les bons collègues qu'on aimerait avoir, ce sont des vrais gens dans un vrai monde et on a besoin de ça. Et du côté du travail, on fuyait aussi le lieu de travail en disant De toute façon, mon travail, il est tellement prescrit, formaté par d'autres qui sont les consultants, les experts, spécialistes de l'organisation du travail, qu'il devient abstrait, très, très, très anesthésiant et contraignant. Et donc, bon, on n'est pas pire, c'est pas plus mal chez soi. Mais en réalité, il y a une montée en abstraction. Quand on est seul face à son écran, travaillant selon des logiciels, eh bien, on a un sentiment de déréalisation. On a un sentiment de travailler dans le vide. On ne sait plus pour qui, pourquoi et avec qui on travaille. Et il y a véritablement le besoin de se remettre un peu face à ce qui paraît la réalité. Quand les gens, ils discutent en Zoom ou en Teams, etc., ils disent souvent, j'espère qu'on se verra pour de vrai bientôt. Comme si on n'était pas dans le réel et pas dans le vrai. Donc, effectivement, on a besoin d'un retour dans l'entreprise. Et tout ce qui concerne le travail, c'est vraiment l'ambivalence et le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a besoin du travail pour exister socialement, identitairement. On a besoin aussi d'avoir le sentiment de contribuer à la société. On a le besoin d'avoir une valeur économique. Et en même temps, on sait que ça va nous détruire. Ça nous détruit. Alors, on est complètement traversé par ces contradictions, ces tensions, ces paradoxes. Et la souffrance, elle est liée aussi à ça. Et qu'est-ce que vous pensez des startups ou du moins des nouvelles entreprises qui misent justement sur un collectif festif avec un baby-foot au milieu de l'open space ? Alors là, vous donnez un excellent exemple. C'est que le patronat, le management, comme on dit maintenant, lui, il est très résilient. Résilient, c'est-à-dire ? Ben, il s'en sort très bien à chaque fois qu'il est mis en cause. Par exemple, après 68, il a trouvé ce nouveau modèle qui était surhumanisation tout en conservant la taylorisation, la responsabilisation, en ajoutant la responsabilisation et la culpabilisation. Donc voilà, il a trouvé des idées, il a réussi à les imposer avec une rhétorique, avec beaucoup de consultants, etc. Et puis apparaît toute cette notion de souffrance qui envahit un peu l'espace public et ils sont mis en cause. On dit que le management, il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Et du coup, surgissent vraiment comme un caméléon, un management plein d'idées nouvelles. Alors, il y a l'esprit start-up, comme il y aura l'esprit entreprise salariée, entreprise libérée, comme après il y aura l'idée des plateformes, etc. Alors, cette l'ubérisation aussi, voilà, de par ses propres moyens. Tout à fait. Donc là, effectivement, c'est on est gentil. On est des DRH bienveillants qui sommes là pour le bonheur de nos salariés. Vous voyez, on a bien compris qu'ils souffraient, que c'était très dur tout ça. Bon, on est en guerre économique, on peut pas faire autrement. On est obligé de sauver les emplois, disent les managers. Mais on aime nos salariés et donc on veut qu'ils soient heureux. Et donc, ils inventent déjà les Chief Happiness Officers avec les DRH du bonheur et de la bienveillance, ou DRH qui rendent heureux, ou DRH des richesses humaines. C'est une sorte de mascarade, personne n'y croit. C'est une mascarade et en même temps, malheureusement, les gens, y croit un peu parce que ça se concrétise par des baby-foot, même dans les entreprises qui sont pas très vite. Et des séances de massage, de méditation, de fou rire. Alors, les jeunes, ils aiment ça. Ils ont l'impression que bon, c'est plus comme avant. Il y a une espèce de, ils sont un peu les otages du changement, de la disruption, des discours rhétoriques, etc. Mais en fait, on envisage qu'une autre manière de travailler en bureau est possible, mais néanmoins, on voit bien que ça ne fait que renforcer au bout de quelques mois, au bout de quelques soirées passées ensemble, qu'en fait, quand on boit un coup avec son chef, eh ben, ça reste son chef, que on n'a pas le droit à l'erreur, même dans un temps qui ressemble à un temps de loisir. Absolument. Qu'on en vient à parler de travail en faisant une partie de baby-foot et qu'il n'y a plus ni de distinction entre le temps travaillé et la pause et le temps de loisir et qu'il n'y a plus de distinction non plus entre sa vie privée, ses amis et ses chefs ou ses collègues. C'est exactement le cas des start-up. Et moi, j'avais fait des interviews avec des jeunes qui m'ont expliqué des situations absolument abracadabra. Il y avait une jeune femme de 27 ans qui était dans une start-up et qui me disait... Moi, j'étais très contente parce que il y avait, elle était styliste, il y avait cet esprit ludique, festif. Elle disait, après le boulot, on sortait avec les deux boss, on allait boire un coup, et puis après, on allait dîner le soir tard. Elle me dit, madame, je connais tous les restaurants qui sont ouverts après 2h du matin. Puis après, le lendemain, on se retrouvait, le lendemain matin, on recommençait. Des fois, on passait des week-ends festifs, et même des fois, les boss, ils amenaient de la coke. Bon, on n'était pas obligé d'en prendre, mais bon, ça participait du truc. Alors, on se sentait en famille, on n'avait pas du tout l'impression de bosser. Puis elle me dit, mais moi je me rendais compte que j'avais aucune vie sociale, j'avais pas de petite amie, j'avais rien. Alors ça me remplissait soi-disant totalement, mais et elle me dit, une nuit plutôt, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais mourir, mon corps ne survivra pas. Et donc elle a dit, je suis allée voir mon boss, je lui ai donné ma dème et elle a dit, je suis descendue à Marseille, j'ai fait du bateau stop, je suis allée sur une île et j'ai fait de l'humanitaire. Bon, cette effectivement, c'est difficile de sortir de tout ça parce que on vous prend par c'est ludique, c'est le bonheur, c'est la débauche. On retrouve cette mobilisation à la fois corporelle et spirituelle, tout et puis cette forme d'incorporation et d'appropriation des principes. Oui. C'est-à-dire que ça n'est plus seulement à moi de me fixer insidieusement les objectifs à atteindre, c'est aussi à moi d'être à la hauteur de cette vie, parce que c'est presque, pardon pour le mot en anglais anglo-saxon, mais on est bien sur une semaine dans sur le management de lifestyle. C'est vraiment, on vit le travail au quotidien. Et il y a aussi ces entreprises, on peut en parler, vous l'avez évoqué, les entreprises libérées, oui. Où alors là, on distingue le travail réel du travail prescrit. Et c'est à nous de savoir, salariés, ce qui est notre temps réel de travail. Et donc, de le travailler quand on veut, par exemple les week-ends, la semaine, le soir, le matin, la nuit, que sais-je, du travail prescrit où là, on devrait pointer à nos heures de bureau. Oui, alors la base de l'entreprise libérée, c'est un patron qui décrète du jour au lendemain, unilatéralement, qu'il va libérer son entreprise. Je libère mon entreprise. Moyennant quoi, En fait, il libère surtout des bureaux. Non, mais ça commence par ça commence déjà par révoquer une bonne partie de la hiérarchie intermédiaire et de la hiérarchie de proximité. C'est faire beaucoup d'économies, hein, et de révoquer aussi certaines directions opérationnelles. Pourquoi ? Parce qu'on va demander aux travailleurs de base d'assumer par petits groupes ces tâches pour s'auto-gérer, s'auto-manager, s'auto-discipliner, s'auto-motiver. Voilà. Donc c'est eux qui vont faire, en plus de leur travail, toutes ces tâches qui sont compliquées, hein, parce que décider qui va avoir une prime, qui va avoir la possibilité de partir plus longtemps en vacances, etc. Oui. Non, allez-y. Donc c'est compliqué. Alors le leader a une vision, moyennant quoi les followers. Ça indique quand même les suiveurs. Donc oui, les followers, mais c'est ce qu'on dit dans les sectes. Hein. Les followers. On dit aussi sur Twitter. Intérioriser complètement la vision de leur leader, et s'ils l'intériorisent complètement, on peut leur faire confiance. Parce que ils vont être les relais inconditionnels de la pensée du manager en chef. Et donc, comme disent certains patrons libérateurs, nous, on libère tout le monde, parce que ceux qui intériorisent, on leur fait confiance, ils sont libérés. Ceux qui intériorisent pas, on leur fait prendre la porte, on les libère aussi. Voilà. Donc, il y a quelque chose quand même de très hypocrite dans cette manière de faire, et qui repose sur l'adhésion totale des salariés et l'acceptation de plus compter leurs heures, d'avoir l'impression qu'ils sont tous des boss. Merci beaucoup Daniel Linard, on s'arrête là-dessus. Je rappelle que de vous, on peut lire l'insoutenable subordination des salariés, la comédie humaine du travail de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, les deux livres aux éditions RS et puis aussi le burn-out avec les dessins de Zoé Touron, c'est aux éditions Le Lombard. Merci beaucoup. Merci à vous. Je n'ai plus envie de me lever, plus l'énergie pour me laver, plus d'appétit pour le manger, dévitalisé comme un colis lourd à porter. Je traîne mon corps, je traîne mes pieds. Dites-moi, docteur, qu'ai-je contracté? Toi, je m'inquiétais. Sous quelle étoile suis-je donc né pour être sans cesse à osciller, à voir l'humeur en escalier bipolarisé? Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Y a-t-il des éthiques ou d'ailleurs des politiques naturelles? On a raison de se méfier des morales, des discours moraux ou politiques qui nous renvoient à la nature comme à une norme que les humains connaîtraient de toute éternité. Quand on dit par exemple qu'un comportement est légitime parce qu'il est naturel et qu'on en critique d'autres parce qu'il serait contre nature. Cette idée de la nature comme norme, comme principe orientant des choix éthiques suppose qu'on la connaisse et qu'elle soit fondement établi par les humains sans discussion possible. Or, la nature, qui est l'objet d'une science, n'est pas forcément directement l'accès à une norme qui oriente les choix humains. Les choix sont par nature, si l'on ose dire, justement opposés en fonction des principes que les hommes se donnent pour les justifier. L'éthique relève de l'élaboration humaine des principes et la politique de la coexistence aussi entre des principes opposés et peut-être différemment légitimes, des interprétations aussi de la liberté et de la justice entre les hommes. Le pluriel même de ces éthiques qui se révèlent, qui se réclament de la nature, nous invite à penser plutôt l'éthique et la politique comme des modalités humaines pour faire coexister des choix moraux, des conceptions morales et aussi religieuses fondamentales. Vivre selon la nature, dans les philosophies antiques elles-mêmes, était un objet de controverse. Ils étaient tous d'accord sur ce principe, puisque dans l'Antiquité, la nature est bien non seulement un état des choses, mais une finalité, un but, mais ils n'étaient pas d'accord sur le contenu de ce but. Entre vivre selon la nature chez les épicuriens, qui est fondé sur le plaisir, ou chez les stoïciens, qui est fondé sur la raison en nous, qui nous arrache justement au corps et qui nous donne le sens ultime de l'univers, eh bien ce n'est pas la même nature selon laquelle il s'agit de vivre, à laquelle il s'agit de se rapporter. Et les anthropologues nous montrent bien aussi que l'idée de nature est toujours prise dans des cultures. Au fond, l'éthique et la politique consistent bien plutôt à faire coexister de manière non violente, de manière équilibrée, de manière juste, des conceptions différentes dont le critère ultime est plutôt justement qu'elles ne se détruisent pas les unes les autres, dont le critère est plutôt dans la justice, dans l'histoire humaine, plutôt que dans une nature posée comme une norme a priori. Alors ne peut-on rien garder de cette idée d'une éthique naturelle, d'une éthique qui se rapporte à la nature? Est-ce que cette vision de l'éthique et de la politique comme cadre commun est complètement coupée de la nature? Ce n'est pas sûr. Il faut peut-être revenir à un point de vue sur les humains qui les intègre un univers dans son ensemble, à ce point de vue selon la nature que le philosophe Pierre Hadot, qui a beaucoup réfléchi sur les philosophies antiques comme manière de vivre, appelait le point de vue cosmique. De ce point de vue, il faut revenir à la nature, mais sous un plan global, à l'univers conçu aussi comme une cité que nous habitons, une éthique et une politique cosmopolitique, justement cosmique, qui fait que la coexistence juste des humains se situe aussi dans une nature conçue comme une coexistence entre des différences, non pas comme une norme unique, mais comme un cadre universel qu'il faut aussi apprendre à préserver. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Carla Michel, Manon Delasselle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert à la réalisation, avec à la réalisation Nicolas Verger, avec à la prise de son aujourd'hui Maïwenn Le Géant, Bernard Gabé à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur les pathologies du management, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série sur le management et demain nous parlerons de conf call, feedback, lead et propal. Et oui, nous parlerons le langage de l'entreprise et sera en compagnie de Luca Paltrinieri. Et je prends quelques secondes pour féliciter avec toute l'équipe Adèle Vendrette et pour souhaiter la bienvenue au petit Marcel, du bonheur, de la vie et de la philosophie. Et vivement janvier où nous pourrons retrouver Adèle à ce micro.